Feu, vol, vandalisme ou rénovation. L'équipe qu'il vous faut, c'est celle de ProNet Régent Côté, communément appelée GUS. Bien implanté dans son milieu depuis 25 ans, GUS est générateur d'emplois dans sa communauté avec plus de 35 emplois créés dans le secteur. GUS, 1651, route 169, Saint-Félicien, 418-679-4178. Monsieur Régent Côté souhaite la meilleure des chances à l'organisation du triathlon de Saint-Félicien et souhaite du beau temps aux organisateurs. Pour un bon repas en famille ou seul, c'est au restaurant Midas qu'il faut aller. Menu adapté à tous les budgets, servi par un personnel courtois et affable. Le propriétaire, M. Danny Potvin, souhaite un franc succès aux organisateurs du triathlon de Saint-Félicien et un bon congé de la fête du travail à tous ses clients. Restaurant Midas, 1084 route 169, 418-679-0900. On va parler de football avec... on sait qu'on a fait le tour. Hier, on a parlé avec Jean-Philippe Caron-Tremblay d'Alma. Mardi, on a parlé avec François Laberge des Gaillards de Jonquière. Et là, maintenant, c'est au tour de Nick Menacci, l'instructeur des Cougars de Chicoutimi, qui débute leur saison demain contre leurs grands rivaux. Salut, Nick! Salut, Danny! Hey, Nick, avant de commencer à parler d'équipe, c'est combien d'heures de travail... au collégial, un entraîneur, parce qu'on dit tout le temps que dans la NFL, c'est 12 mois par année, c'est 8 heures de... c'est 12 heures par jour. Comment est-ce que c'est d'heures pour, au niveau collégial, même pour les niveaux collégial 3, là? Ben, si je prends une journée, type, je veux dire, moi, j'arrive au bureau à 8 heures le matin et j'arrive chez nous à 10 heures le soir. Tu fais quoi? Comme ouais, tu veux, là, ça fait des journées. OK, tu fais quoi? Moi, je suis à temps plein. Donc, je suis ici au cégep, donc je gère des trucs à l'interne. Je veux dire, préparer une saison collégiale, c'est beaucoup de choses. C'est beaucoup de beaucoup d'engagement, c'est beaucoup de travail. Donc, moi, c'est 12 mois par année. Je prends pas même de congé. Même l'été, on fait du recrutement. Je veux dire, tous les entraîneurs collégiales actuellement sont en train de préparer leur premier match. Mais ils ont déjà des feuilles de recrutement pour 2018, puis ils ont déjà commencé des... Tu sais, tu comprends ce que je veux dire? C'est jamais juste pour une saison. C'est gérer les problématiques des joueurs qui sont arrivés ici. C'est préparer la saison, préparer les trucs, s'assurer qu'on est bien, qu'on est correct sur les unités spéciales, à l'offensive, à la défensive. Donc, pour moi, un coach en chef, c'est quelqu'un qui s'occupe de tout, donc qui touche un petit peu à tout. Je dirais que ça fait des bonnes journées. Moi, je suis en plus coordonnateur défensif. Donc, ouais. Préparer les game plans, préparer les reports, préparer le vidéo, le scouting, okay. C'est beaucoup de temps. Ouais. Et si on découperait ta semaine comme hier, là, préparer le match pour vendredi, combien t'as mis d'heures sur le match de vendredi, juste cette semaine? Ouais. C'est vraiment difficile à identifier, mais je te dirais que j'ai mis juste pour le match de Jonquière, j'ai mis entre 30 et 40 heures certains cette semaine. Juste sur le match de Jonquière, là. Sans compter les trucs d'admissibilité. Je veux dire, c'est vraiment strictement Jonquière, vidéo. Je veux dire, juste le vidéo, je veux dire, ça peut représenter un 5 heures par jour, là, Danny, environ. Okay. Je vais faire les game plans. Sauf que là, la différence, c'est qu'on le répartit un petit peu sur 2 semaines, étant donné que c'est notre premier match. Okay. Donc, le temps de répartir un petit peu notre temps. Mais c'est pour moi, je parle pour moi, là, parce que c'est ma façon de faire, mais moi, je passe beaucoup de temps sur le vidéo, je passe beaucoup de temps sur... Donc, on avait des vidéos de l'an passé de Jonquière. On peut pas prendre de certitude parce qu'on les a pas. Mais en saison, on reçoit des vidéos. On va voir des matchs. Tu sais, comme là, il y a un match samedi, Drummondville contre Alma. Donc, ouais. Je vais être au match de Drummondville contre Alma. Après ça, il y a un match de Saint-Félicien. Donc, je vais aller au match à Saint-Félicien. Donc, ça représente... Cette semaine, on a travaillé beaucoup. Jonquière... Je commence cette année de les voir en vidéo, j'ai hâte de les voir directement. Ouais, ouais. Puis ça, c'est sans gérer les problèmes les problèmes du quotidien. T'as une équipe à gérer, tu dois avoir un étudiant qui manque de cas pour rentrer à ses cours parce que c'est la rentrée semaine. Ça, ça apporte tout ça, là. C'est ça, c'est la rentrée scolaire, c'est ce que je te dis. C'est ça qui c'est la rentrée scolaire. Là, dans les résidences, on a des joueurs. Moi, j'ai des joueurs ici dans mon équipe, j'ai plusieurs joueurs de l'extérieur, des joueurs de Québec. Ouais. Donc c'est quand même beaucoup de travail, s'assurer que tout le monde est correct, rencontrer tous les joueurs. Après ça, tu as le niveau académique aussi. Ouais. Je veux dire, le football, c'est beau, mais on a des étudiants à tête sous la main. Donc, ces jeunes-là, faut s'assurer qu'au niveau académique, ils ont tout ce qu'il faut, qu'ils rentrent bien dans la structure. Nous autres ici, on a une responsable académique, Denise Lapointe, qui s'occupe de rencontrer les jeunes recrues en arrivant. Les vétérans, ils savent déjà dans quoi ils s'en vont. Donc, de préparer toutes ces affaires-là, de préparer leur arrivée, c'est beaucoup de temps également. Par contre, c'est tellement le fun de voir les jeunes qui, quand ils arrivent, c'est nouveau. Donc, c'est une mise en place, mais oui, c'est de l'énergie, c'est du temps. Parce qu'une équipe de football, un coach en chef, quand on regarde ça froidement, je veux dire, autour de moi, j'ai 47 joueurs actuellement. J'ai 47 joueurs, j'ai 9 adjoints. J'ai le personnel médical. J'ai mon gérant d'équipement. Ça veut dire que ça, là, juste au bas mot, 47 joueurs, 9 entraîneurs, 5 personnes du personnel soignant, 2 préposés à l'équipement. Je veux dire, quand on part à l'extérieur ou quand on gère 60, 65 personnes. C'est vraiment de la boue. Mais c'est intéressant, pareil, de savoir ça. Parle-moi maintenant de ton équipe. C'est sûr qu'au début de l'année, tout le monde est content, tout le monde est beau, tout le monde est heureux. Mais est-ce que vraiment, là, tu t'attends à une grosse saison du côté des Cougars? Je m'attends à une saison à la hauteur du talent qu'on a. Pour être franc, on a des très bons joueurs. Par contre, je ne mets aucune pression sur les épaules. Je n'en mets aucune sur mes joueurs. Je veux dire, on veut me faire porter le chapeau de premier ou deuxième de ma division. Ça, moi, j'embarque pas dans ces affaires-là. C'est juste de vouloir enlever sa propre pression puis l'envoyer sur l'autre. Moi, je rentre pas là-dedans parce que je pense que toutes les équipes de la division Nord-Est cette année vont être très balancées. Je veux dire, la personne qui va mettre les Janois d'Alma en dernier parce qu'ils sont pas beaucoup de joueurs, je veux dire, c'est quelqu'un qui connaît pas les Janois d'Alma puis qui a jamais été dans le milieu du football collégial. Je veux dire, Rimouski, ça va être une bonne équipe. Jonquière, ça va être une très bonne équipe. Je veux dire, je pense que ça va être une équipe, une ligue qui va être très balancée, donc ça va être important de gagner nos matchs et de pas en échapper. En tout cas, lui, l'an passé, Jean-Philippe Caron se met pas dernier parce qu'il, lui, vit un top 2. Il a dit ça hier. C'est normal. Ouais, c'est normal. Ouais. Je veux dire, il y a des très bons athlètes, il y a des très bons joueurs. C'est juste parce que moi, je parle avec beaucoup de gens, je parle avec des journalistes. Des fois, on entend les échos de ce que les gens disent off the record. Puis, tu sais, lui, il te voit là, lui, il te voit comme ça. Je veux dire, moi, les Janois d'Alma, c'est une équipe que je respecte beaucoup. Les Gaillards de Jonquière, c'est une équipe que je respecte beaucoup. Donc, c'est mes deux premiers matchs. Jonquière, puis ensuite Alma. Donc, ça va être plus facile d'identifier les forces de notre équipe quand on va avoir commencé à jouer. Ça, c'est beaucoup ma façon de travailler. Okay. Donc, chez nous, c'est un nouveau coordonnateur offensif, c'est un nouveau coordonnateur défensif. Donc, on a changé plusieurs trucs. Il y a des choses qui sont très différentes par rapport à ce qu'on faisait. Donc, j'ai bien hâte de voir au premier match comment on va être capable de mettre ça en place, là, les jeunes. Les vétérans avec nos jeunes recrues, j'ai bien hâte de voir ça, mais on a du talent. En fait, c'est un mélange, c'est toujours ça collégial, c'est un bon mélange de jeunes et de recrues, là. C'est ça? Absolument, exactement. Okay. Mais nous, ici, on a les réalités collégiales aussi. En tout cas, moi, je parle pour moi, je continue. Les jeunes, ils ont tendance à quand le cégep, ça fait pas, ils peuvent aller vers le DEP, ils ont plusieurs options, donc j'ai perdu des joueurs l'an passé qui devaient être des vétérans cette année. J'ai perdu des joueurs, donc pas nécessairement parce qu'ils n'ont pas passé leur cours ou des choses comme ça, mais plutôt parce que au niveau collégial, là, ça fait pas pour moi, donc je vais aller. Donc, normalement, au lieu d'avoir une équipe, tu sais, à un moment donné, tu es supposé d'avoir un cycle où tu arrives où tu as plusieurs joueurs de deuxième année puis de troisième année. Donc, à un moment donné, tu es supposé d'arriver dans ce cycle-là. Sauf que avec la réalité qu'on a au niveau régional et au niveau du recrutement, c'est plus difficile d'avoir. Tu sais, j'ai à peu près le même nombre de recrues et de vétérans que l'an passé. Okay. J'ai peut-être un petit peu plus de vétérans, sauf que là, j'ai des gars qui sont en troisième année, des gars en deuxième année, donc c'est la réalité du collégial, comme tu disais, c'est vraiment ça. Ben effectivement. Hey, ta force? Ma force, je pense qu'on va avoir une très bonne attaque. Okay. Je pense qu'au niveau de l'attaque, on va être très fort. On a des bons porteurs de ballon, vraiment des très, très bons porteurs de ballon. Un corps arrière qui est à maturité. Un corps arrière qui comprend très bien le système de mon nouveau coordinateur, Youssi Pierre. Donc j'ai des menaces offensives très dangereuses, autant comme porteur de ballon. J'ai une ligne offensive qui va être à maturité. avec plusieurs joueurs, un joueur de troisième année, un joueur de quatrième année. Donc, c'est certain que je m'attends à ce qu'offensivement, on aille une belle saison, là, vraiment. OK. Quand tu parles. Et défensivement, on ne sera pas piqué des verres non plus défensivement. Quand tu parles du camp hier, c'est qui? C'est-tu Alexandre Voisine? Non, c'est Raphaël Cyr. Okay. Alexandre Voisine est encore là. Alexandre Voisine est encore là. Et Raphaël est notre premier carrière actuellement. Donc, okay. Je vous dirais que Alexandre fait vraiment bien ça. Je veux dire, l'an passé, il arrivait, il était recru, c'était nouveau, c'est un nouveau système. Là, on arrive avec un système qui est lourd, qui a beaucoup de trucs dedans. Donc, Alexandre, il embarque bien là-dedans. Il y a vraiment une belle progression. On est vraiment content d'Alexandre. Donc, faut pas être surpris. On peut voir Alexandre dès le premier match dans la mêlée. Ça serait pas surprenant. OK. Le fait que c'est un coordonnateur de la Ligue canadienne de football, jouer dans la Ligue canadienne de football, ça fait une grosse différence? Oui, ça fait une énorme différence. Ouais. Je veux dire, il y a une intelligence de football que, je veux dire, même si je coach depuis 20 ans, je veux dire, il y a des trucs qu'on parle ensemble des fois que il me fait voir des choses d'une façon. Son système est axé. Son système est très différent. Je veux dire, moi, depuis que je coach au football, là, j'avais jamais vu d'une façon de faire comme ça. Donc, c'est différent. C'est très actif. C'est un très bon pédagogue. Donc, c'est pas un joueur qui arrive du professionnel et qui porte le titre de seulement un joueur professionnel qui a jamais coaché. Ou c'est un très bon coach. C'est un bon pédagogue. C'est un très bon coup pour les Cougars de Chicoutimi. Je peux te confirmer, Daniel. Ouais, mais sa vision de Ligue canadienne, sa vision de, tu sais, ça a été un joueur, là. C'est pas seulement un gars qui est allé un an puis qu'il a jamais joué, ou c'est un gars qui a joué, qui a été sur le terrain, qui a attrapé des passes de Ricky Ray avec les Eskimos d'Edmonton. Je veux dire, il jouait derrière Fred Stems, qui est un des meilleurs receveurs de la Ligue canadienne. Donc, c'est sûr qu'il y a pas si longtemps, il était là. Donc, il a une expérience, il peut parler avec les jeunes, mais en même temps, c'est pas quelqu'un qui vit sur son statut. Donc, il cherche pas à nous montrer qu'il arrive de la CFL ou. C'est bien beau tout ça, ce que tu me dis. Par contre, s'il est pas capable d'enseigner, c'est zéro, là. C'est justement. Ouais. Normalement, on a toujours une crainte en se disant, bon, ben, si c'est un bon joueur, il sort du terrain, puis là, est-ce que c'est un pédagogue? En ce moment, lui, il a le package complet, là. C'est un package complet. Il l'enseigne à perfection, puis je pense que les joueurs embarquent vraiment là-dedans en ce moment. OK. En terminant, on fait le tour des joueurs du Haut-du-Lac. On vient de parler d'Alexandre Voisin. Est-ce qu'il y en a d'autres? Il y a un gars de Normandin aussi, là, le joueur de ligue, très prometteur. Marc-Antoine Jean. Oui, très Marc-Antoine prometteur. Jean qui est très prometteur. Je veux dire, Marc-Antoine est 20 livres moins lourd, mais 20 livres, il est plus fort. Donc, il a perdu un peu du gros de bébé. Okay. C'est un bon joueur, c'est un joueur qui, c'est un starter, c'est un joueur de qui on s'attend beaucoup cette année. Okay. Ensuite de ça, c'est un gars qu'on peut penser, tu me dis très prometteur, c'est un gars qu'on peut penser Ligue universitaire? Oh, oui, absolument. Oh. L'université est à sa portée. Oh, je veux dire, c'est l'objectif avec lui, là. C'est définitivement l'objectif avec lui. Okay. Je veux dire, il avait déjà été identifié, il avait été dans les équipes, les élites de Québec, les élites de QMS, il y a 2 ans. Okay. Et déjà, il y a des entraîneurs là-bas qui m'avaient fait la remarque comme de quoi que ce joueur-là, il avait le potentiel pour aller vers la Ligue, pas la Ligue canadienne, vers l'université facilement. On verra après ça. Donc, maintenant, c'est le potentiel, on en a, ici au Saguenay, on en a vu beaucoup des joueurs avec du potentiel. Même au Lac-Saint-Jean, Saguenay-Lac-Saint-Jean. Ouais. On en a plein. On voit, là, on a des gars qui sont recrutés dans la CFL, on a des gars qui, mais ça dépend toujours de comment le joueur va se comporter au niveau scolaire, au niveau de l'entraînement. Est-ce que, tu sais, à quel point il est assidu à l'entraînement? Parce qu'Antoine, il a fait des efforts. Donc, c'est ce qui me prouve que ce jeune-là, il peut jouer à un autre niveau. Là, okay. T'en as d'autres. Tu m'as parlé de d'autres joueurs. Oui, j'en ai d'autres. Ouais. J'ai Mathieu Larouche. Mathieu Larouche, qui est dans le fond, c'est un vétéran de deuxième année. L'an passé, il s'est blessé contre Jonquière rapidement au deuxième match de la saison. Donc, je l'ai perdu pour le deuxième match de la saison. C'est un joueur que j'attendais beaucoup quand je l'ai recruté. Il est de où, lui? C'est un gars de Saint-Prime. OK, je me trompe pas. OK, c'est bon. OK. Donc, Mathieu Larouche, c'est un demi-défensif qui est un joueur ça va être un joueur d'impact dans ma défensive en ce moment. Mm. Ensuite de ça, j'ai deux recrues. J'ai deux recrues, Samuel Bussière et Maxime Guy. Sam Bussière, c'est deux gars de Saint-Félicien. Je me trompe pas, Sam Bussière, c'est un gars de Dolbeau. Il avait fait partie des joueurs là, qui n'avaient pas pu jouer là, à cause d'un truc là, avec les au niveau des réglementations d'admissibilité. Je veux dire, Samuel, c'est vraiment une belle découverte. Là. Ça, c'est un joueur qui risque de voir du terrain très rapidement. Ensuite de ça, Maxime Guy, qui est un joueur intéressant également, un demi-défensif, qui fait les choses très bien. Je veux dire, on a une belle cuvée là, de joueurs qui arrivent de Saint-Félicien. Puis tu vois, l'an prochain, ils ont encore une très belle cuvée qui arrive. Donc, on va être très agressif dans le haut du lac l'année prochaine. Bon. Ben, un gros merci encore une fois, Nick. On va surveiller de près au cours de la saison. C'est fun de voir 5-6 joueurs du haut du lac. Évidemment, on est là pour ça. Fait que, puis on s'en repart durant la saison. Parfait. Merci beaucoup, Danny. Voilà l'instructeur chef des Cougars de Chicoutimi, Nick Menache.